Conte de fées en français. Le garçon qui dessinait des chats. Il était une fois, dans un petit village, un fermier qui vivait là avec sa femme et ses trois enfants. Son aîné et son fils le plus jeune étaient toujours prêts à l'aider. Ils faisaient tout ce que leur père leur demandait de faire. Mais l'enfant du milieu, Andy, ne pensait à rien d'autre qu'à peindre et dessiner. Qu'est-ce qu'il dessinait? Des chats. Andy, où es-tu? Oh, coucou papa. J'étais juste en train de dessiner un magnifique chat. Tu l'aimes bien? Mais oui, bien sûr, je l'aime bien, comme tous les autres chats que tu as dessinés. Écoute, mon fils, tu dois absolument arrêter de ne dessiner que des chats. Mais papa, je ne les dessine pas que pour m'amuser. J'ai essayé de dessiner d'autres animaux et des objets. Mais quand je dessine des chats, c'est comme s'ils me parlaient. Papa était très ennuyé avec Andy. Andy, je veux que tu m'aides au chant. Et tu ne le fais jamais. La prochaine fois que je te vois dessiner des chats, je t'envoie directement voir le sage au bout du village. Quoi? Non, je ne veux pas aller là-bas. Eh bien, tu n'auras pas le choix si tu ne m'obéis pas. Maintenant, viens m'aider à porter les patates. Le pauvre Andy n'aimait pas travailler au champ. Il ne pensait qu'à dessiner des chats. Il voyait des chats partout où il regardait et ne s'en lassait jamais. Un jour, le père vint chercher Andy, qui semblait avoir disparu. Mais où est ce garçon? Et je veux que quelqu'un porte la farine pour moi. Qu'est-ce que c'est? Tandis qu'il avançait à travers champs, il vit bientôt Andy assis à jouer avec un chat à l'air ronchon. Oh, je n'en peux vraiment plus. Andy, mon fils, demain nous irons voir le sage pour lui demander ce qu'il peut t'enseigner. Parce que dessiner des chats ne fera pas ton bonheur pour toujours. Mais papa, c'est pourtant ce que j'aime faire. Mais le père d'Andy était déterminé à ce que Andy arrête de dessiner des chats. Alors, plus tard le même jour, ils allèrent ensemble rendre visite au sage. Le vieux sage les accueillit et leur demanda la raison de leur visite. Eh bien, vous voyez, mon père ne m'aime pas parce que... Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Mon fils que voici, Andy, ne fait pas un bon travail comme un garçon fort, comme il devrait pourtant le faire. Et donc, que fait-il alors? Il peint. Et il peint des chats. Uniquement ces petites créatures poilues. Papa, je t'ai dit que c'était parce que les chats me parlent. Te parlent? Maintenant, ça m'intéresse. Andy raconta au sage tout ce qu'il avait raconté à son père. À la fin de l'histoire, le sage garda le silence et réfléchit. Plus tard, le père le laissa seul avec le sage. Le vieux monsieur parla gentiment au jeune garçon et lui posa des questions difficiles. Les réponses furent si intelligentes que le sage accepta d'éduquer son nouvel élève. Le garçon apprit rapidement ce qu'on lui enseignait et accepta la plupart des choses. Mais même le sage remarqua que le garçon aimait dessiner des chats pendant les heures d'études et qu'il dessinait aussi des chats même quand il n'était pas du tout question de dessiner des chats. Le sage appela le père du garçon. « Ton fils aime dessiner des chats et c'est un don du ciel. » Un don qui lui permet de parler au petit chat, vraiment? Tu n'as pas besoin de me croire si tu ne le crois pas. Mais écoute ce que je te dis. Andy, il y a très longtemps, j'avais fait un rêve de chat et de la prochaine ville. Je crois qu'il doit y avoir un lien. Ok. Et donc, je dois y aller? Oui, mais souviens-toi de ce dernier conseil que je te donne. Évite de dessiner trop de chats effrayants au même endroit. Andy fut très confus. Il ne comprit pas ce que le sage voulait lui dire au travers de ce conseil. Mais il remercia le sage et s'en alla. Son père, cependant, n'était pas très emballé, mais le laissa faire comme il voulait. Il partit et atteignit enfin la ville le soir venu. La ville semblait trop calme. Bizarre! Il n'y a personne qui traîne. Et on dirait que toutes les maisons sont fermées. À se demander si des gens vivent ici. La ville avait été terrorisée par un énorme rat monstrueux qui était plus gros qu'une vache. Il venait seulement la nuit. Alors les gens de la ville s'en allaient le soir. Et pendant la journée, ils revenaient, mais restaient enfermés à l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit l'heure de repartir. Andy erra encore un peu et arriva à une énorme maison. Elle était si belle et si accueillante qu'Andy ne pouvait pas ne pas y entrer. C'était dans cette maison que les gens offraient de la nourriture aux rats géants. Quand Andy entra, il trouva la nourriture et comme il avait très très faim, il mangea tout ce qu'il y avait. C'est seulement après avoir fini qu'il réalisa que tous les murs étaient entièrement blancs. Des murs blancs? D'énormes murs blancs? Une personne comme moi ne peut faire qu'une seule chose ici, peindre. Alors, il se mit à peindre. Et comme toujours, il peignit un très grand nombre de chats sur le mur. Eh bien, ils sont tous vraiment bien. Mais peindre tout ça m'a vraiment fatigué. Je vais aller dormir un petit moment. Mais Andy ne dormit pas très longtemps. Il fut rapidement réveillé par le gros bruit d'un animal. Hein? Quoi? Il entendit des sons féroces qui se rapprochaient et devenaient de plus en plus forts. Andy eut peur et alla se cacher dans une énorme commode. L'animal féroce entra dans la maison et fit un tel bruit qu'Andy trembla de tous ses membres. Alors, il entendit des bruits de chats très très forts. Les chats! Et alors, la maison se mit à trembler. Les animaux se battirent entre eux et Andy dut se boucher les oreilles. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? La maison trembla très fort et les bruits puissants firent sortir les gens de leur maison. C'est quoi ce bruit? On n'a qu'à monter voir là-haut. Peut-être que quelqu'un de courageux est venu nous sauver de ce rat monstrueux. Alors ils allèrent voir un peu ce qu'étaient ces bruits effrayants. Pendant ce temps, dans la maison, la bataille avait toujours lieu. Andy tremblait comme une feuille. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Non! Le combat fut enfin terminé. Et quand Andy n'entendit plus que le silence, il sortit de sa cachette pour voir le roi géant battu et étendu sur le sol, inconscient. Waouh! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ses yeux tombèrent sur ses peintures et là, il vit un peu de sang sur les chats. Serait-ce possible? Oh! Le rat! Tu as achevé ce monstre de rat! Il nous terrorisait depuis si longtemps. Oh, merci, gentil étranger! Andy ne savait pas quoi dire. Il était très surpris par tout cela. Il comprit alors ce que le sage lui avait dit. Évite de dessiner trop de chats effrayants au même endroit. De rien. Et très vite, la fable d'Andy qui avait achevé le rat monstrueux atteignit les quatre coins du monde. Quant au père d'Andy, eh bien, les nouvelles racontant le courage d'Andy arrivèrent bientôt jusqu'à lui aussi. Je savais qu'Andy avait ses pouvoirs pour une bonne raison. N'es-tu pas fier? Oui, je suis très fier de lui. En réalité, il avait un peu honte de ne pas avoir laissé Andy suivre ses rêves dès le départ. Mais il était content, maintenant que son fils était enfin heureux à faire ce qu'il faisait de mieux, dessiner des chats. L'histoire d'Andy nous enseigne que nous devons faire ce que nous aimons et que l'univers trouvera toujours un moyen de le rendre magique.